règlement des conférences, c'est pas un système démocratique. Surtout si vous n'avez pas la possibilité de recourir à un moment donné une justice, je dirais classique, à laquelle chacun est soumis. Si vous avez un règlement des différends qui est possible pour faciliter, accélérer, parce qu'on dit qu'au niveau judiciaire, ça prend trop de temps, ou peut-être parce que les juges sont pas assez... En général, on dit que c'est parce que les juges ne sont pas assez spécialisés, ou parce que il y a trop de secrets d'affaires. Là, c'est en général les arguments pour justifier notamment le système de règlement différent. C'est vrai que ça peut donner de la flexibilité, ça peut donner des avantages, mais il n'y a quand même pas de débat public, il n'y a pas de discussion publique, il n'y a pas de... Vous voyez, il y a une jurisprudence parallèle qui se poursuit, et ce qui ici est troublant, c'est que ça peut se faire entre un État et une entreprise. Alors que les autres, d'autres types d'entreprises vont se trouver elles-mêmes traduites devant des juridictions ordinaires. Donc on va se trouver avec des mécanismes parallèles pour des problèmes qui ne seront pas nécessairement les mêmes, mais qui auront des logiques, je dirais, globalement similaires, et ce sera jugé différemment. Avec des incertitudes, à la clé, c'est que selon l'évolution des sentences ou des décisions qui sont prises, une sentence qui concerne un État pourrait avoir un effet sur une situation que connaîtra un État par la suite, un autre État par la suite. Exemple, vous pouvez imaginer que tel pays accepte l'importation de viande aux animaux, c'est un des gros points noirs de l'accord de CETA, et que la Wallonie s'oppose. Si elle s'oppose, elle peut s'opposer, mais elle devra peut-être payer une compensation. Ce qui serait quand même un comble. Je veux dire, par rapport, moi je trouve par rapport au... Quand je dis un comble, je prends évidemment l'attitude parce que... Un comble, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Je veux dire, on n'a pas besoin... On peut trouver qu'il y a, dans ce type d'accord, des éléments intéressants. L'abolition des droits de douane, ou la circulation plus souple, enfin, plus dense, plus fluide des produits. Mais établir des mécanismes de compensation parce que des niveaux de qualité sont devenus, parce que la question par exemple de la qualité est une question qui n'a pas de raison d'être, parce que est-ce que c'est ça, le niveau, la qualité de l'aliment, la qualité environnementale, la qualité sociale, n'a pas de raison, la qualité culturelle, comme on le verra en droit d'auteur. Si ça n'a pas de raison d'être, eh bien les États peuvent être amenés, s'ils s'opposent et appliquent leurs propres règles, à devoir payer des compensations au niveau international. Donc on retourne donc sur tous les acquis réglementaires qu'on a pu développer dans l'Union européenne, en Wallonie, en Belgique en particulier, peuvent à un moment donné être amenés au niveau international à se révéler au fond être au désavantage de l'État qui les a adoptés. Alors que dans nos pays, on les a souvent adoptés pour maintenir un certain standard de vie, une qualité de vie, où petit à petit, on sait très bien qu'on a voulu accroître au niveau européen les politiques. On a d'abord eu un traité assez libéral, ouvert au commerce, un traité qui se voulait aussi une ouverture des marchés, mais on avait introduit lors du traité européen toute une série d'exceptions, tenir compte d'une série de valeurs, protection par exemple du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle, de l'ordre public, la santé. C'était des exceptions liées au commerce, entre guillemets, à la libre circulation près des drogues. On sait très bien que par la suite, on a introduit des tas de nouvelles politiques. La politique citoyenne, environnementale, sociale peu, mais quand même, il y a une partie importante sociale, culturelle, via le droit d'auteur, via certaines matières, mais pas de manière globale. Il n'y a pas de solidarité chez les États, la culture. Mais on a bien vu qu'on voulait rendre ces traités qui avaient été construits sur une volonté d'interpénétration et construction de marché intérieur, c'est un très beau projet, on avait voulu les compléter par des politiques plus citoyennes, qui touchent le citoyen. peu ça, c'est pour si je caricature un petit peu, mais sans exagérer trop, toutes ces politiques citoyennes qui sont celles qui sont nées du XXIe siècle, de la fin du XXe siècle, pourraient s'avérer coûteuses pour les pays qui les ont mis en place, dès lors que ils s'opposeraient, par exemple, ils voudraient appliquer leur système à l'importation de produits ou de produits d'autres États qui n'ont pas le même niveau de standard. Donc, pour préserver un système qualitatif, ça va coûter cher, en quelque sorte, à l'Europe. Alors, ça coûte pas, ça n'a pas le même coût, on n'arrive pas bien à évaluer combien, ni exactement dans quel domaine, quelles seraient les marchandises concernées, quels seraient les services concernés. Donc, on ne voit pas clair, on n'a même pas à faire du tout au niveau culturel. Parce que l'accord est censé passer au niveau culturel, on voit très bien qu'il y a que trois auteurs, et il y a même des réflexions sur la radio-télévision et l'audiovisuel. Donc, on voit que c'est quand même très très large. Donc, on ne sait pas bien évaluer quel est le coût de tout ça. Mais c'est simplement pour vous exposer que ce genre de traités peuvent paraître sont éminemment techniques, et ils le sont volontairement, du coup inaccessibles, du coup le citoyen ne s'en intéresse pas, mais au final, ce genre de traité peut déséquilibrer considérablement toute une série de systèmes, de valeurs, qui ont été, au fond, ancrés par des textes juridiques, dans des textes juridiques, et qui sont l'objet de travaux pendant plusieurs années. Voilà, donc on y reviendra, et donc un règlement des différends, ce n'est pas seulement une mauvaise chose, ça peut être une très bonne chose, à bien des égards, mais il faut voir les mécanismes qui accompagnent ça. Et vous, en tant qu'étudiant, même si c'est des textes en anglais, il y a une traduction faite par le gouvernement, je crois que la commission l'a traduite en français d'ailleurs, il y a une version de 2014 sur internet en français, il y a des textes en anglais, jetez un coup d'œil pour simplement aller voir le CETA, tout simplement j'aborderai le chapitre 3 d'auteur du CETA, mais allez jeter un coup d'œil comme ça, ça vous familiariserez un peu à ce type de traité de 1600 pages, tout fait pas 1600 pages, hein. Il y a beaucoup de déclarations des États, mais le corps du texte fait plus de 250 pages. Mais vous regardez comme ça un petit peu. Vous allez sur Internet, vous regardez. Je trouve qu'il ne faut pas considérer que parce que c'est trop technique, on ne s'en intéresse pas. C'est important de faire attention aujourd'hui. Ce qui est trop technique est trop dangereux, est souvent dangereux. Parce qu'on se trappe dans une logique technocrate qui fait que, pour finir, il n'y a plus personne qui regarde. Même les avocats doivent être obligés d'aller voir le texte pour le faire. Parce que beaucoup de mes confrères me disent: pourquoi tu lis le CETA, mais c'est complètement invraisemblable. T'as le temps de lire ça, toi. Or, c'est précisément ce qui peut venir par... C'est comme les acteurs over the top. On a aujourd'hui des traités over the top. Ils viennent par le haut, par-dessus, à une vitesse effrayante. Et on n'a pas le temps de les lire et de les décortiquer. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est un très bon jour. Je vais vous le dire, c'est vrai, dans laquelle je suis un peu en retard, que la Wallonie est résistée. Que ce soit contre tous, peu importe, ce n'est pas un débat droite-gauche, c'est pas un débat, c'est une manière de préserver, je pense, un certain acquis. Voilà, bon, donc, si vous voulez, je vais vite raccorder mon ordinateur, si vous voulez me dire vous-même ce que, si vous avez des remarques sur le CETA, mon Brestel, je peux répondre facilement, hein. Vous avez des remarques à formuler, ou si ce que je vous dis... je vous dis vous paraît excessif, c'est le moment, hein, j'installe mon ordinateur. Oui, moi j'aimerais juste la lumière, s'il vous plaît. La lumière. Ça c'est pas compliqué, je vais le faire, je vais allumer mon ordinateur, voilà. Pas de remarques sur le CETA, vous n'avez pas, personne n'a suivi, non. Pas de questions. Oui. Il est sur le site de l'Union européenne. Il est sur le site de la Commission. Il est même traduit, hein. Vous avez une version de septembre, qui est de septembre, et vous avez une version du mois de. Et vous avez une version française, qui est le. Je pense que c'est une version qui date de 2014. Donc voilà, ça peut être... déjà les arbitrages Si on les trouve, les arbitrages comme ça, je pense que c'est tout le problème. Oui, les arbitrages comme ça existent. Donc on le retrouve dans les accords de l'OMC, donc l'Organisation Mondiale du Commerce, que l'OMC est un peu barbare. Donc on retrouve effectivement ce type de règlement des différends. Et c'est vrai que nous n'avons pas été tellement touchés par ça pour le moment, parce que dans les accords de l'OMC, on n'a pas été. Mais si vous interrogez des pays comme d'autres pays comme le Mexique ou des pays qui ont été jugés à travers l'OMC, j'espère que je n'ai pas oublié. On voit très très bien l'impact que ça peut avoir. C'est vraiment significatif. Bon, attendez, excusez-moi, je cherche de quoi projeter. Je n'ai pas une petite manette. Bon, c'est pas grave, je vois que je n'ai pas ma clé. Professeur, il a été question des mesures de rétorsion que la Wallonie pourrait encourir si elle ne signait pas le CETA. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Paul Magnette, qui représente la Wallonie, joue un peu le village des irréductibles gaulois, sauf qu'il n'a pas la potion magique? Moi, j'adore votre question. Parce que si vous voulez, j'adore votre question parce que je crois que c'est précisément ce à quoi il faut toujours résister. C'est-à-dire ces pressions, j'entendais Moscovici qui expliquait que nous n'avions pas rempli les normes européennes, que notre budget n'était pas, ne remplissait pas les pourcentages par rapport au PIB, les pourcentages voulus par l'Europe sur le plan du budget, sur le plan de l'endettement, de la dette publique. Et qui donc expliquait que la Belgique allait déclasser en réalité, en tout cas parmi les mauvais élèves de la classe. Peut-être, mais je dirais ça c'est indépendant. Mais comme mesure de rétorsion, je ne vois pas concrètement quel type de mesure de rétorsion on pourrait supporter dans un monde qui est ultra régulé et qu'on voudrait en réalité encore plus régulé avec le mécanisme de compensation. Je ne vois pas le fait de refuser de signer un accord. Je ne vois pas ici clairement en quoi ça pourrait affecter, par exemple, l'application des règles au sein de l'Organisation mondiale du commerce, qui règle pour l'instant les accords de trade, en fait, les accords de commerce. Je ne vois pas ce que ça peut changer. Je ne vois pas comment on peut déclencher des mesures de rétorsion, par exemple, dans le cadre de cet accord. Il n'y a pas de, pour quand même le connaître assez bien, il n'y a aucune clause qui oblige un État à défaire un accord. Donc, on pourrait dire quoi, ils vont stopper leur importation, ils vont fermer leur territoire aux importations belges ou wallonnes, de facto. On pourrait se dire qu'à ce moment-là, on aura alors un problème qu'on peut certainement discuter dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Et très paradoxalement, je vais vous dire, que dans ces négociations, ce dont on voit que c'est plutôt l'orgueil européen, de la présidence européenne, de Juncker, qui est très ennuyé, on voit qu'ils le prennent, eux, plutôt comme une claque à titre personnel, de ne pas avoir pu regrouper les États membres de l'Union européenne, parce que paradoxalement, je trouve que les Canadiens réagissent de façon assez ouverte, en disant qu'ils sont prêts à discuter, qu'ils sont pas prêts à mettre un deadline comme l'a mis le Conseil européen. Le Conseil européen voulait peut-être le faire sous sa présidence. La présidence qui donc gérait tous les groupes de travail pour une présidence, avoir à son actif la réussite entre guillemets d'un accord aussi mauvais soit-il, c'est toujours une avancée. Donc pour répondre à votre question, donc ici on sent que c'est la présidence, on sent que Juncker qui est déjà fort déstabilisé, c'est pas ce qu'il lui fallait, ça c'est certain. Mais bon, le problème date pas du CETA, ça date d'autres choses. Il y a d'autres soucis importants en Europe. Et donc, non, vous savez, moi, j'ai jamais. Enfin, je pense que la peur, comme dans toute chose, est une mauvaise conseillère. On est quoi qu'on fasse dans la vie, avoir peur, mesurer, étudier, décider, prendre le risque. Je crois que ça a été fait de façon assez qualitative par les représentants allemands. Je ne vois pas les mesures de rétorsion réelles qui pourraient y avoir. Vous pensez à quoi? Ah, mais voilà, parler, oui, c'est l'étendard, mais voilà, mais on a agité pas. Paul Bayard lui-même en a parlé. On a menace qu'il avait. Oui, il a été fort menacé, ça je le sais. Non, il a été pas dit personnel, hein, parce qu'on a dégrité. Hein. Je pense que c'est dans le renouvellement des accords, par exemple, culturels, tous les nouveaux accords qui pourraient avoir lieu, il va y avoir une méfiance supplémentaire dans les négociateurs qui vont devoir négocier avec les Wallons. Par exemple, les Wallons qui seraient commandeurs, une mesure supplémentaire vis-à-vis du Canada ou du reste de l'Europe. Oui, mais bon, dans les accords culturels, les Canadiens sont fort désireux que les accords de climat, tous ces accords d'échange de coproduction continuent. Hein. Ils y ont le Québec, qui est un de nos partenaires au niveau culturel, très, très attaché. Ils auront des problèmes en interne. Hein. Je veux dire, si le Québec est terriblement attaché à la zone francophone, on va dire que les auteurs, les romanciers sont accueillis chez nous, les films, les productions, les coproductions. Honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y aura des, je ne crois pas. Je crois que ce qui va se passer, c'est qu'on assiste au niveau international à la fin des accords multilatéraux, parce qu'on ne s'arrive pas à s'entendre. L'Organisation mondiale du commerce, on verra ensemble ces accords multilatéraux qui sont les derniers qui sont passés. Et donc on a décidé de développer des accords bilatéraux. Enfin, la Commission essaye de promouvoir ça. Mais le Canada, qui est quand même très nord-américain aussi, a proposé un texte complètement imprégné de culture anglo-saxonne sur le plan juridique, sachant que derrière, il y avait les États-Unis qui l'utilisaient comme porte-avions. Et comme on avait refusé, notamment dans le domaine culturel, dans l'audiovisuel, dans toute une série de matières, on a refusé dans les anciennes négociations multilatérales la position américaine, c'était une nouvelle façon d'essayer d'entrer, de forcer un petit peu. Alors, on dirait, on dit qu'il y a un Wallonie et mais on voit très bien qu'il y a plein d'autres problèmes à l'UNCETA. Hein. Luxembourg a mis une clause qui pouvait mettre un terme à l'accord à Newton. Et donc, ça c'est la dernière chose que j'ai entendue, parce que dans la presse, on dit qu'il n'y a que la Wallonie. Mais je vois que la Cour fédérale, la Bundesgerichte, elle saisit, elle aussi, la question de la compatibilité, certains aspects de l'accord. Donc les Allemands pourraient du jour au lendemain dire qu'en fait, non, c'est pas possible. La Cour de justice de l'Union européenne est saisie d'une demande d'avis sur la compatibilité de l'accord communautaire avec cet accord. Donc c'est un peu, je dirais qu'il y a beaucoup, on voit très très bien que l'accord suscite quand même beaucoup de questions. Et la réaction des députés européens au Parlement, tout parti confondu d'ailleurs, illustre le malaise. Je pense que cet accord était mal. Il était négocié pendant 5 ans avec un mandat, 4 ans et demi, avec un mandat officiel, mais en secret, donc de façon confidentielle, en total secret par la Commission européenne, rendu public petit à petit aux États, 2014, 2015. Les États qui sont chacun plongés dans leurs propres difficultés avec une technicité invraisemblable. On a été pris par la crise des réfugiés. Alors, il y a eu plein d'éléments qui justifient le fait qu'un État n'ait pas tellement envie de lire un texte de 1600 pages. Qui, en plus, lui paraît encore loin et il gère souvent son détour. Ce qui explique qu'une série d'États ont accédé à ces demandes pressantes, urgentes. Quand quelqu'un demande quelque chose de façon pressante, urgente, aussi important, lorsque c'est important, ça cache toujours quelque chose. Je veux dire, si dans des bonnes négociations, on ne cède pas à l'urgence pour des choses importantes, même sur le plan affectif, on cède pas à l'urgence. Mais si quelqu'un dit « je veux absolument te voir, etc., c'est super important, nanana, dans une situation particulière », sauf si la personne est en danger, mais là bien sûr, mais sinon, c'est, les demandes urgentes ont quelque chose qui, sont par essence, cache une forme de déséquilibre. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Mais je voulais en tout cas vous en toucher un mot, puisque ça touche indirectement nos matières, et j'y reviendrai. Bon, je suis désolée dans ces coups de téléphone permanents et ces discussions permanentes. J'ai oublié mon PowerPoint, mais c'est pas grave. Ce n'est pas, ce n'est pas très compliqué à suivre réellement. Je vais aborder la prochaine fois. Donc, on avait fait un peu de temps. D'accord, tu vas s'accorder des réflexions sur le CETA, parce que tu en connais bien, qui le concerne à ça aussi, oui. Oui, la lumière. Puisqu'ici, il n'y a pas de projection, on peut remettre la lumière. C'est mieux, hein? Est-ce qu'il y a encore des réflexions sur les CETA? C'est vrai que moi je vous vois mieux, c'est plus agréable. Non, rien? Pas de réflexion? Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Mais je n'ai pas de réponse toute faite, mais je vous dis, il ne faut jamais céder à la peur. Voilà, voilà mon point de vue. C'est pas, je crois pas que c'est de la peur. C'est assez pour le moment. Pardon ? C'est assez pour le moment. Ça va. Alors, on en reparlera, hein, parce que ça va continuer. Bien que maintenant, c'est remis ce midi. Alors, on reviendra aux questions historiques des trois auteurs. Et on termine. Donc, je reviens à là où je m'étais arrêtée. Je m'étais arrêtée à la consécration par les décrets révolutionnaires de ce qui allait être le droit d'auteur moderne. Donc, je m'étais arrêtée au décret de 1791 et 1793 que j'avais déjà commenté en vous exposant que le premier était plutôt un décret sur les spectacles qui donc reconnaissait de façon indirecte le droit d'auteur en spécifiant quand est-ce que en définitive quand est-ce que les ouvrages des auteurs morts devenaient propriété publique, hein, c'était formulé de cette façon très indirecte. Et parallèlement à ça, je vous avais exposé que on se trouvait donc dans un contexte qui était vraiment centré sur l'art dramatique, mais que néanmoins on avait une véritable malgré tout reconnaissance de prérogatives, plus de façon indirecte, en faveur des auteurs, mais uniquement dans un secteur particulier. Parallèlement à ça, les travaux étaient pour pouvoir aboutir au décret de 1793, qui lui, en revanche, est un décret à portée générale et qui touche les différents arts de l'époque. Donc, il ne se limite pas à tout ce qui est dramatique, mais qui vise les beaux-arts, qui vise donc, par exemple, la peinture, la sculpture, qui vise la musique, et qui va consacrer de façon la positive et pas négative, à contrario, qui va consacrer de façon positive les prérogatives des auteurs pendant toute leur vie et 5 ans après leur mort. Donc on retrouve l'affirmation dans le décret révolutionnaire de 1793 des prémices du droit d'auteur moderne dans nos régions, dans notre pays. Comme je vous l'avais exposé, vous aviez déjà au XVIIIe siècle la loi de la Reine-Anne, qui elle-même était assez moderne, puisqu'elle avait déjà consacré en faveur des auteurs un droit exclusif de reproduction et un règlement de droit moral. Donc on doit attendre, nous, pour avoir un siècle, je dirais, pouvoir progresser et élaborer un véritable statut plus moderne, plus complet du droit d'auteur. Ce qui est intéressant et qu'on va voir transparaître dans les législations alors qu'ils vont fleurir à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir une opposition surgir, une opposition philosophique surgir entre d'une part la conception continentale française du droit d'auteur et la conception anglo-saxonne. On va avoir dès l'adoption de la loi de la reine Anne, on va être confronté à un droit d'auteur qui est un droit donc de copyright, qui est un droit de s'opposer à la copie de l'œuvre. c'est important, pourquoi, de mesurer ces nuances-là ? Parce que c'est un système qui, au départ, se veut surtout protecteur de l'œuvre en tant que support, de l'objet, si vous voulez, édité, de l'objet en tant que support que l'on peut imprimer ou reproduire. On veut donc protéger contre la reproduction dans le système du copyright. C'est ça qui est au centre de l'intention du législateur. Protéger contre une reproduction, protéger le support, tandis que du côté français, du côté continental, on va surtout s'attacher à défendre la personnalité de l'auteur. Donc on va vouloir adopter une position qui n'est pas pragmatique, qui n'est pas matérielle, qui n'est pas le support de l'œuvre en tant que telle, œuvre qui peut faire l'objet d'une appropriation, imprimerie, reproduction, mais c'est le lien intellectuel qui unit l'auteur à son œuvre, qui va vouloir être mis en évidence, c'est-à-dire la valeur, si vous voulez, culturelle de l'œuvre, qui est davantage prise en considération et à travers elle, surtout, la personnalité de l'auteur. C'est la personnalité de l'auteur qui va être au centre des préoccupations, et pas l'œuvre que l'on peut s'approprier et que l'on peut reproduire. Donc ces deux conceptions, c'est pour ça qu'on parle de droit d'auteur en France, et qu'on parle d'ailleurs de droit d'auteur en Belgique, à comprendre aux propriétés littéraires et artistiques, c'est la propriété de l'artiste, à opposer malgré tout la notion de copyright, qui est le droit de s'opposer à la copie. Ce sont deux philosophies différentes, qui l'une met l'auteur au, la première met l'auteur au sens, c'est un droit d'auteur au sens de un droit de l'auteur. C'est pas un droit de quelqu'un d'autre, c'est un droit de l'auteur. Alors ça ne veut pas dire que nécessairement dans tous les pays dans tous les pays qui ont adopté cette notion de droit d'auteur, le droit d'auteur appartient bien uniquement à l'auteur et pas nécessairement à son employeur, aux entreprises pour lesquelles il travaille. Ça, c'est pas nécessairement toujours le cas. Mais néanmoins, dans les pays qui adoptent un système de droit d'auteur, on remarquera que c'est quand même l'auteur qui est au centre des préoccupations. La volonté de le rémunérer, la volonté de tisser, de protéger le lien qui lui est à son œuvre. Donc la volonté de valoriser une conception humaniste du droit d'auteur. Dans l'approche anglo-saxonne, ce qui va différencier, c'est une approche plus industrielle, plus commerciale, plus mercantile. C'est la volonté de lutter contre la copie. Et ces approches, on les retrouve encore, on a pu constater au XIXe siècle, on les retrouve encore au XXIe siècle, avec bien sûr une des nuances. On ne peut pas dire que tout le régime anglo-saxon aujourd'hui peut être englobé sous la description, par la description que je viens de faire, puisque avec l'harmonisation européenne, dans l'Union européenne, les Britanniques, bon, ils sont sortis, mais pendant de longues années, ben, ils vont sortir des événements, la décision est prise. Et tout leur système de copyright a subi, comme un caillou que l'on polie, a subi l'influence continentale du droit d'auteur. Donc, le système de replacer l'auteur au centre de la protection, mais nos amis britanniques ont dû supporter, si vous voulez, cette approche-là, comme nous-mêmes, on a dû aussi intégrer à certains égards leur approche, bien sûr, et j'y reviendrai au fil du cours. Mais nous, de manière plus globale, nos amis britanniques ont quand même dû entrer dans l'acquis communautaire, dans les paquets communautaires, donc de droits communautaires, et accepter dans les paquets de droits communautaires les options qui avaient été adoptées par l'Union européenne et qui étaient des options plus humanistes du droit d'auteur que des options plus industrielles ou plus mercantiles du droit d'auteur. Mais quelqu'un pourrait m'opposer que les tout derniers textes adoptés par l'Union européenne, notamment dans le domaine digital qui traite du numérique, sont des textes plus inspirés de modèles anglo-saxons. Mais de manière globale, si on regarde les différentes directives européennes, les différents textes qui ont été adoptés par l'Union européenne, elles sont en train de se diviser dans ces droits d'auteur. Il y a peut-être quelques pourcentages en faveur d'une protection, d'une inspiration plus britannique, mais de manière globale, on peut considérer que les textes sont sont imprégnées de cette idée de droit de l'auteur. Et donc, ces différences entre les systèmes droit d'auteur, copyright, a prévalu pendant très très longtemps au niveau international. Elle a pour impact très souvent que dans, par exemple, aux États-Unis qui est, ou en Australie, qui sont des pays marqués par cela, dans de tels systèmes, le droit n'est pas dans le chef de l'auteur, le droit de copyright n'est pas dans le chef de l'auteur, mais il n'est dans le chef de l'employeur, donc dans le patrimoine de l'employeur, par exemple dans toute une série de domaines, dans toute une série de contrats. Dans ce fait, cette contrat, dans la loi, prévoit que ce qu'on appelle les works made for hire, c'est en droit anglo-saxon, ce sont des œuvres, des droits qui naissent en chef de l'employeur de l'entreprise, d'emblée. Si vous regardez notre régime à nous, de l'auteur, le droit naît en chef de la personne physique qui a créé l'œuvre. En Belgique, c'est comme ça. Alors, dans tous les pays de l'Union européenne, c'est pas nécessairement comme ça. Mais néanmoins, c'est une perception qui progresse et qui est malgré tout plus généralisée que dans d'autres pays au monde, en dehors de la tradition anglo-saxonne. Donc on défend dans l'Union européenne, et la Belgique en particulier, en France aussi, on est très attaché à la conception de l'auteur personne physique. Ça n'empêchera pas, comme nous le verrons, qu'une entreprise soit titulaire des droits, mais pas d'emblée. Le droit ne naît pas. Donc, on parle souvent, le droit fonctionne souvent pour les études en gestion culturelle par la voie de fiction juridique. Dire qu'un droit naît, c'est une fiction juridique. Donc, lorsqu'on dit que le droit naît dans le chef d'une personne, ça veut dire juridiquement qu'il entre dans son patrimoine qui lui appartient. Ça ne veut pas dire qu'il lui appartient définitivement et qu'il ne peut pas céder. Il n'y a pas des mécanismes qui vont faire en sorte que le droit peut être transféré à une entreprise, à un employeur. Mais de manière originelle, le droit appartient à l'auteur personne physique. Ça, c'est important de comprendre, puisque on va retrouver ces notions notamment dans les accords internationaux. Et pendant longtemps et encore aujourd'hui, donc ces différences, ces distinctions sont toujours en train de prévaloir. Avec pour résultat que là où nous allons reconnaître des prérogatives morales, le droit au respect, le droit à l'intégrité, le droit au respect, le droit à ne pas déformer les œuvres, à ne pas détruire des œuvres, le droit qui se rapproche très fort parfois, qui se rapproche très fort du droit au respect du patrimoine, ces droits-là sont reconnus tout à fait différemment dans la législation américaine. Le droit au respect de l'œuvre n'intéresse les États-Unis que pour protéger les producteurs de films à l'encontre du droit de faire des copies de leurs films. Mais dans notre système à nous, comme nous le verrons, le droit au respect de l'œuvre nous intéresse pour essayer de préserver l'intégrité d'une œuvre, soit son authenticité, soit le lien qui unit l'auteur à son œuvre. C'est des approches qui sont différentes et à propos desquelles nous verrons l'évolution des concepts. Donc la consécration du droit d'auteur dans son ensemble, avec des prérogatives qu'on va qualifier morales et patrimoniales. Morales, je viens d'en évoquer, le droit au respect, patrimonial, le droit d'exploiter l'œuvre. C'est donc à l'époque moderne qu'on la voit. On a vu les décrets révolutionnaires. Et dans nos contrées, en Belgique plus précisément, après l'indépendance de la Belgique, nous allons avoir une première loi qui date du 22 mars 1886. Important. Qui va donc perdurer pendant plus d'un siècle, elle, très bien faite, une loi du 19e siècle, extrêmement bien rédigée, d'une quarantaine d'articles. Donc, une loi d'une quarantaine d'articles qui est consacrée aux œuvres littéraires et artistiques. Vous entendez déjà que dans le thème, dans l'intitulé de la loi, on veut mettre en évidence les beaux-arts. C'est une loi sur les œuvres littéraires et artistiques. Et elle va mettre à l'honneur les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres plastiques. L'objectif, c'est véritablement de consacrer des droits étendus aux créateurs. Je dis aux créateurs, c'est aux artistes. Mais j'aime pas trop utiliser, moi, le terme artiste, parce qu'en droit, artiste, c'est celui qui va interpréter une œuvre. Donc, conservateur, c'est un terme un petit peu excessif, mais ou l'auteur, mais c'est celui donc qui crée l'œuvre, hein, au sens pur du terme. Donc artiste, essayez aussi d'éviter ce terme. On peut utiliser artiste pour les œuvres des arts plasticiens, mais en général en droit, quand on parle d'artiste, c'est un interprète, un exécutant, un comédien, quelqu'un qui, donc, qui va valoriser l'œuvre, mais pas quelqu'un qui crée l'œuvre. Sauf dans les œuvres ouvertes où l'artiste peut s'avérer un auteur aussi, puisqu'il va, en théâtre par exemple, il va lui-même faire les textes, il va faire une œuvre mobile, notamment dans les spectacles qu'on donne au mardi, où vous êtes dans des spectacles d'improvisation, où vous êtes à la fois interprète, artiste, mais vous êtes aussi auteur, puisque vous créez vous-même des textes. Bon, ce sont des œuvres éphémères, en général, il n'y a pas de livret, il n'y a pas de coffret, il n'y a pas d'ouvrage de ces meilleurs textes. Donc, forte de cette modernité, si vous voulez, cette loi de 1886, qui était extrêmement claire et qui était rédigée forte de cette modernité, elle va perdurer pendant presque, oui, pendant plus d'un siècle en réalité. Et elle va influencer considérablement toute l'évolution de la création en Belgique. Elle est à ce point bien rédigée qu'elle permet de s'adapter à l'évolution technologique jusqu'à un certain niveau. Elle ne pourra pas tenir très très longtemps dans l'univers de l'Internet. Elle sera d'ailleurs à certains égards, elle sera très très fort complétée par la jurisprudence. Elle sera légèrement à certains égards modifiée, mais de manière, je dirais, marginale. Mais c'est la jurisprudence qui va compléter cette loi. Pourquoi ? Parce que comme les normes sont très ouvertes et qu'à l'époque on légiférait de façon beaucoup plus enthousiasmante qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se bornait à poser des principes juridiques, à faire des lois courtes, des articles clairs, et pas trop restrictifs. Ça permet donc à la jurisprudence d'appliquer la loi au fil de l'évolution technologique, jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Parce qu'il y a une véritable révolution technologique, un peu comme l'ère digitale, l'ère numérique, l'Internet. Là, on voit qu'il y a une difficulté pour les juges de trouver leur paradigme et leur repère. Et on est bien obligé, le législateur est bien contraint de revenir à la rescousse. Mais elle a pu perdurer par ses normes ouvertes, là, je pense qu'on a pu interpréter cette loi. Et donc, on a au fond, aussi bénéficier d'autres éléments externes en Belgique. Et ces éléments externes pour protéger les auteurs viennent alors des conventions internationales. Donc, outre la loi du 22 mars 1986, on a bénéficié d'un contexte très favorable qui est la première grande convention, c'est l'application de la première grande convention internationale de 1886 et qui va, donc je crois que c'est le 9 septembre 1886, ma mémoire est bonne. Cette convention internationale, c'est le 9 septembre 1886, c'est la convention de Berne, va avoir un impact important et compléter, si vous voulez, dans une certaine manière, le régime qui existe et qui est introduit par la loi du 22 mars 1886. Donc on va avoir un régime, d'une part, d'une loi nationale, et d'autre part, on va avoir une convention internationale qui va enrichir le régime juridique existant. Alors vous me direz, mais comment tout ça s'est passé? On est à d'autres niveaux, on a une loi nationale, une convention internationale, comment ça s'articule? Ce n'est pas des niveaux comparables. Effectivement, mais on va entrer doucement dans la matière, vous allez comprendre tout de suite comment ça s'est passé. D'abord, revenons 2 minutes à l'histoire, vous aurez remarqué que 1886, c'est la même époque. On parle de la loi du 22 mars 1886, et on parle d'une convention internationale du 9 septembre 1886. On est à quelques mois d'intervalle. Qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier que la Belgique, qui se dote d'une loi moderne sur le droit d'auteur, qui a beaucoup travaillé après l'indépendance, qui a a beaucoup travaillé à la liberté d'expression, puisque l'indépendance de la logique, comme vous le savez, c'est fait notamment sa liberté de culte, aussi la liberté d'expression. Donc les questions de libre circulation des idées, des œuvres, est quelque chose qui est évidemment sensible à l'époque. Un droit de monopole, c'est quelque chose de sensible. Si on restreint la liberté d'expression par un droit de monopole, parce qu'il faut coexister avec un droit de monopole qui empêche parfois la presse de reprendre certaines choses, etc., on y réfléchit à plusieurs fois. Là, on vient de créer sa propre indépendance, de proclamer sa propre indépendance. Donc on doit trouver un équilibre entre l'accès au savoir, la libre circulation des idées, la défense du patrimoine et la volonté de valoriser les œuvres. Donc on plonge beaucoup à l'époque, au 19e siècle, on plonge beaucoup sur toutes ces questions. Et ce sont nos propres parlementaires qui sont les ambassadeurs qui vont nourrir les travaux en grande partie de l'Union de Berne. Comme les négociations se font au même moment dans les parlements ou en coulisses en Belgique parmi les différents partis, dans les différents partis politiques, parmi les différents députés, la Belgique a de la matière à apporter au niveau international. Et c'est elle qui va influencer considérablement la rédaction de la Convention internationale. Une fois n'est pas coutume, on parlait du CETA en entrant, en vous disant que bon, le CETA, on n'a évidemment pas influencé, on a simplement pu réagir et écarter ces éléments-là, en estimant les éléments présentés par le CETA. Ici, c'est l'inverse. La Belgique est presque précurseur, porte des projets, porte des amendements, porte des textes qui retravaillent ses propres textes, nos députés retravaillent leurs propres textes en parallèle des débats internationaux. Donc tout ça, ces univers se nourrissent les uns des autres. Et on a donc des textes qui sont presque rédigés, je trouve, avec la même, avec une clarté qui est assez comparable. Et cette convention de Berne va donc très très bien s'imbriquer avec la loi du 22 mars 1986. Elle sera, elle, révisée au fil du temps, à différentes reprises. Et la Belgique va ratifier systématiquement les révisions qui seront faites de cette convention. Elle mettra du temps à ratifier une avant-dernière révision qui date de 1971. Mais au fil de l'eau, elle va réviser. Et cette révision va petit à petit amener la Belgique à réfléchir à la façon de donner plus d'ampleur à la Convention internationale en Belgique même. Pourquoi ? Parce qu'une Convention internationale, au départ, elle a vocation à régir ce qu'on va appeler des éléments d'extranéité. C'est-à-dire qu'une Convention internationale, elle vise à régler une situation entre un pays et un autre pays. Donc, il faut nécessairement cette extranéité pour pouvoir trouver un intérêt à une convention internationale. Mais donc, ici, la convention de Berne pouvait nous apporter des éléments lorsque, par exemple, un auteur belge allait se produire en Italie. Alors, effectivement, on avait cet élément d'extranéité entre la Belgique et l'Italie, et vice-versa. Un Italien venait en Belgique ou allait en Espagne, comme c'était des pays similaires, on pouvait appliquer la convention de Berne. Par contre, lorsqu'on se trouvait dans un rapport belgo-belge, on pouvait se poser la question de savoir comment est-ce que la convention de Berne peut nous apporter un avantage, puisqu'on n'a pas cet élément d'extranéité. Et le Parlement belge a décidé, après avoir examiné les différentes révisions de la convention et estimé que peut-être elle apportait des éléments très pertinents pour la Belgique, qu'on devrait peut-être insérer en un sens dans la loi belge, mais que la révision de la loi belge, qui était à ce point compacte, équilibrée et claire, n'était peut-être pas la meilleure voie, puisque ça pouvait réouvrir du coup la porte à beaucoup d'autres débats. Parce que vous savez que quand on voit une loi, là, on décide d'ouvrir un aspect de la loi, mais le problème, c'est qu'on risque de réouvrir parfois des débats qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'ont fait les parlementaires, ils ont décidé, par une loi nationale, tout simplement, de rendre applicables les dispositions de la Convention de Berne lorsqu'elles étaient plus favorables par une loi nationale, de manière assez ingénieuse, le Parlement belge, plutôt que de revoir la loi belge sur le droit d'auteur, a simplement décidé que la Convention internationale pouvait s'appliquer aux litiges entre auteurs belges, donc sans élément d'extranéité, vraiment à des situations intérieures, nationales, dans un cas, il y avait quand même une condition importante, c'est que les dispositions de la Convention de Berne s'avèrent plus favorables aux auteurs que celles de la loi belge. Vous voyez déjà l'option politique aussi qui est choisie. C'est que la Convention de Berne peut s'appliquer en Belgique, au conflit entre auteurs belges, donc à des situations strictement internes, quand ces dispositions sont plus favorables aux auteurs que la loi belge. Donc on est dans un système de protection de l'auteur. Si la Convention de Berne, parce qu'on doit se mettre d'accord au niveau international entre plusieurs États, s'avère moins favorable que la loi belge, alors on ne peut pas invoquer l'application de la Convention dans la situation nationale, dans le cadre d'un conflit entre auteurs belges. Et ce principe a été introduit par la loi du 27 juillet 1953, à l'époque, qui rend applicable aux Belges les dispositions de la Convention de Berne qui sont plus favorables que celles de la loi belge. Alors cette loi du 27 juillet 1953 a été abrogée. Elle a été remplacée par une loi du 25 mars 1999 qui elle-même rendra applicable, et j'y reviendrai, la Convention de Berne dans toutes ses versions révisées, ça c'est important de le préciser, donc dans sa version actualisée, si on avait une loi dans les années 2007, la Convention a été révisée à plusieurs reprises, donc dans toutes ces révisions, la Convention est applicable aux litiges entre auteurs belges, et c'est une loi donc du 25 mars 1999 qui elle-même reprend ce même principe. Et aujourd'hui, dans le Code de droit économique, ce qui aujourd'hui donc contient des dispositions en matière de droit d'auteur, les droits voisins, on retrouve ce même système et lui-même applicable. Donc je reviens maintenant à ma loi de 1886 et à la Convention de Berne. Donc on se trouve à une même époque, une loi qui est nourrie des travaux internationaux et qui nourrit les travaux internationaux, et une convention internationale qui a pour but d'élever le niveau de protection au niveau international. C'est dans ce contexte-là que pendant plus d'un siècle, on a pu faire évoluer, avec l'aide de la jurisprudence, le droit d'auteur. Alors, que dire aujourd'hui de maintenant des conventions internationales? Avant d'examiner le droit interne, je vais m'attarder à la Convention de Berne. Après la Convention de Berne, je reviendrai à la Convention de Rome, un petit peu les accords de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce et les conventions de CETA. C'était pas en vigueur, je ne vais pas m'attarder au CETA, mais enfin j'y viendrai quand même, également puisque c'est constitué l'actualité. Et puis je verrai avec vous le droit interne. Pourquoi est-ce que je procède comme ça? Pourquoi est-ce que j'aborde d'abord les conventions internationales et pas d'abord la loi nationale et puis en parallèle les conventions internationales? Parce que le droit international est une norme supérieure par rapport au droit national et que donc normalement, si vous voulez, le droit national doit se lire à la lumière du droit international et ou d'autre part doit être conforme, ça dépend un petit peu des dispositions, des conventions internationales, doit être conforme au droit international, ça dépend de la nature des engagements. Donc pour bien comprendre le droit national, on est obligé de travailler à l'international, surtout dans la matière, parce que c'est l'international qui va introduire pas mal d'éléments qui vont influencer l'application des droits national ou le contenu de la loi nationale ou l'interprétation que la jurisprudence donnera de la loi nationale. Ça va, donc c'est pour ça qu'on va aborder ces matières-là. J'essaierai de... Bon, ça peut paraître parfois un petit peu technique, mais c'est le droit, la technicité du droit se dépasse facilement. C'est pour les étudiants en gestion culturelle, le droit c'est un instrument. Une fois qu'on l'a bien maîtrisé, on peut en jouer de manière assez agréable et on peut en faire beaucoup de choses. Mais il faut le maîtriser dans la règle. C'est un outil. Si vous ne connaissez pas les conditions de la règle, si vous ne comprenez pas comment fonctionne la règle, vous ne pouvez pas jouer avec le déconstruire des choses en droit. Mais c'est un instrument extraordinaire pour, c'est pas une science, mais c'est un instrument extraordinaire pour pouvoir, au fond, notamment constater de véritables avancées, un instrument avancé dans la stimulation de l'activité littéraire et artistique. Toute la matière qui nous occupe, le droit, est un stimulant parce que, par la protection qu'il peut apporter, parce qu'il a pu conférer comme contexte à la création, il a véritablement été un des facteurs de stimulation. À mon avis, encore insuffisant, c'est vrai, mais dans certains pays, en tout cas, dans le pays insuffisant sûrement, mais dans certains pays, il a pu être un véritable soutien réel à la création. Et on va voir comment le droit s'est préoccupé au niveau d'abord international et plus national du statut des créateurs et de leurs œuvres. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu légiférer au niveau international? Première question. Pourquoi est-ce qu'on a voulu légiférer au niveau international? Mais c'est toujours la même attitude, c'est la même chose dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, c'est la même chose dans le CETA, parce que les œuvres ne circulent pas. Parce qu'on s'est dit, si on veut avoir une ouverture entre guillemets des marchés, si on veut permettre aux œuvres de circuler, si on veut permettre que par-delà la frontière, l'auteur soit encore protégé, alors il faut trouver un mécanisme qui dépasse la logique du territoire national. À l'époque, c'est vrai que si on regarde le 19e siècle, on se rend compte que passer la frontière, le début ou la fin du 18e, une œuvre n'était plus protégée. Ou si elle était protégée, elle n'était pas protégée de la même manière. Et donc, dans certains cas, il se pouvait que les auteurs n'aient pas du tout envie d'aller exploiter leurs œuvres à l'étranger, ou encore que des éditeurs, des producteurs ne souhaitent pas commercialiser l'œuvre ou prendre le risque de la produire à l'étranger, puisqu'ils n'étaient pas certains qu'ils allaient se trouver dans un cadre favorable et que, bien au contraire, ils allaient peut-être se trouver dans un contexte de contrefaçon où il serait très facile de reprendre l'œuvre, de la copier, de la jouer pour gratuitement, de nier son statut légal. Si passer la frontière, il n'y a plus de protection, ça ne favorise pas la libre circulation des œuvres. Et surtout, ça ne rencontre pas la vocation universelle des œuvres qui est précisément de circuler. Vous suivez? Jusque-là, ce n'est pas très compliqué, je crois. Hein. Donc, ça ne rencontre pas cette vocation universelle des œuvres de circuler. Et donc, ce que l'on fait, ce que l'on commence à faire, c'est peut-être, dans un tout premier temps, on commence à faire des accords dits bilatéraux. C'est au départ ce qui paraît le plus simple, avant d'essayer d'ouvrir des accords multilatéraux. Si je fais une comparaison avec le CETA est juste aussi un accord bilatéral. Pourquoi? Parce qu'on a échoué dans les accords multilatéraux avant. Donc on essaye, ici, on commence par le bilatéral, on essaye de construire des accords bilatéraux. Et la Belgique conclut pas mal d'accords bilatéraux en matière de droits d'auteur. Elle reconnaît avant l'adoption de la loi de 1886, la Belgique va adopter une série de conventions avec certains États, où elle va parfois aller plus loin dans la protection qu'elle va accorder que la protection qu'elle accorde de façon interne à ses propres auteurs. Vous me suivez ou pas? Non, je suis un peu rapide. Donc, dans les conventions que la Belgique va conclure avec des États comme le Portugal ou la France, elle va, par exemple, reconnaître un niveau de protection, un droit exclusif, plus étendu que celui qu'elle va reconnaître à ses propres auteurs belges, en Belgique. Donc, en Belgique, on est... Elle va donc, un exemple, qui est un exemple très connu en littérature, elle va par exemple reconnaître, sur un exemple musical, elle va par exemple consacrer le droit d'exécution. bilatérale, elle va reconnaître le droit d'exécution publique, donc le droit pour un compositeur de musique autorisé de façon préalable l'exécution de son œuvre en public. Donc, elle lui confère le droit d'autoriser donc le concert qui serait fait de ses œuvres. Elle va donc lui donner ce droit d'autoriser préalable dans le cadre d'une convention bilatérale, alors que dans la jurisprudence nationale et dans les rudiments de texte qu'il peut y avoir avant la loi de 1886, elle ne va pas reconnaître ce droit exclusif d'exécution musicale. Donc c'est paradoxal, parce qu'elle va dans une convention internationale, à la demande par exemple de la France qui reconnaissait ce droit, elle va accepter de reconnaître aux auteurs français un droit d'exécution publique de leurs œuvres en Belgique, et par contre elle ne reconnaîtra pas ce droit d'exécution à ses propres auteurs belges en Belgique. Simplement dans le cadre d'une négociation internationale, elle l'accepte bilatérale, mais elle ne l'accepte pas, elle ne l'accepte pas en droit interne sur son territoire national. Donc ça a eu pour effet que parfois les auteurs étaient mieux protégés, les auteurs belges parfois, grâce à ces conventions bilatérales, mieux protégés à l'étranger que dans leur propre pays. Prenons l'exemple de mon compositeur de musique. Un compositeur de musique pouvait donner des exécutions publiques en France, là il avait un droit d'exécution publique. Donc il pouvait négocier les conditions avec lesquelles il allait se produire publiquement. De même, un compositeur français pouvait venir en Belgique, grâce à l'application de cette convention bilatérale franco-belge, un compositeur français pouvait venir en Belgique et jouer, donc donner un concert et disposer d'un droit d'exécution publique de son œuvre. Par contre, un compositeur belge voulant organiser l'exécution publique de son œuvre ne disposait pas de ce droit. Donc vous vous imaginez que c'était que bien sûr ça crée une impopularité, un sentiment de frustration des auteurs belges qui voyaient qu'ils étaient mieux protégés à l'étranger que chez eux, et que d'autre part, des ressortissants étrangers étaient mieux protégés en Belgique que eux. C'était pas tenable comme situation, puisque par l'effet de ces conventions, on se trouvait dans une situation qui était déséquilibrée, déséquilibrante, avec une certaine insécurité juridique. Et c'est la raison pour laquelle, si on tient compte de tous ces éléments, et notamment, j'ai cité chaque année le procès de Zola et de la Semois, qui est un cas qui illustre merveilleusement la situation ici, qui était dans le cadre d'une œuvre littéraire. Si on tient compte de situations comme celle-là, où on voit qu'il y a une véritable insécurité juridique, l'affaire de la Semois montre bien l'insécurité juridique des conventions bilatérales. Dans le cadre de l'affaire de la Semois, un auteur flamand avait mis en scène une traduction flamande de l'œuvre de la Semois sans l'accord de l'éditeur et sans l'accord de Zola. Et alors que eux se voyaient reconnaître un droit normalement exclusif d'autoriser la mise en scène de leur œuvre. Mais il se faisait que dans la région, il ne fallait pas d'autorisation, que c'était libre, qu'on ne devait pas requérir, il n'y avait pas de droit exclusif, si vous voulez, on ne devait pas requérir l'autorisation de Zola, on ne devait pas recourir l'autorisation de Busnac, son éditeur. Donc on pouvait mettre en scène sans problème. Donc on n'était pas déjà dans le même équilibre. Et à l'époque, ce que, de façon assez astucieuse, le conseil de Zola et de Busnac a fait, il a interpellé la Belgique en disant, mais vous avez, la Belgique, je dirais les tribunaux, là, à l'époque, c'était un litige, et il a déposé sur la table des conventions bilatérales, en disant, mais ça ne va pas, la Belgique reconnaît bien le droit exclusif de mettre en scène dans des conventions bilatérales avec d'autres États, notamment le Portugal. Comment se fait-il que, dans le cas d'espèce, en Belgique, on ne reconnaît pas nécessairement les mêmes prérogatives. On devrait pouvoir, nous, auteurs français, auteurs français, avoir les mêmes prérogatives que celles que la Belgique reconnaît aux ressortissants d'autres pays. Et si ce raisonnement s'était arrêté là, il n'aurait probablement pas prévalu. Mais pour appuyer ce raisonnement, Busnac et Zola ont tiré parti d'une clause bien connue qui existe encore aujourd'hui dans beaucoup de traités internationaux, qui est la clause de la nation la plus favorisée et qui figure dans ces conventions bilatérales. Et la clause de raison la plus favorisée, elle vous permet de bénéficier des avantages que votre partenaire, que votre partenaire contractuel octroie à d'autres partenaires contractuels. Donc, quand un État avec lequel vous concluez, si la France conclut avec la Belgique un accord, et qu'il y a une clause de la nation la plus favorisée dans cet accord, à ce moment-là, cela signifie que si la Belgique conclut avec un autre État un régime, par exemple, plus favorable, un autre accord avec un régime plus favorable, les ressortissants français pourront se prévaloir, sur la base de la clause de la nation la plus favorisée, des avantages conférés par la convention conclue avec l'autre État, par exemple ici le Portugal. Et c'est ce qu'ont fait Zola et Busnel, qui ont tiré parti de la clause de la nation la plus favorisée, qui existait dans une convention franco-belge, en s'appuyant sur une convention belgo-portugaise, pour décider qu'ils avaient droit aux mêmes avantages que ceux qui étaient reconnus dans ces autres conventions bilatérales. Donc c'était complètement ingérable. Parce qu'il y avait beaucoup de conventions bilatérales qui avaient été conclues, il y avait une accumulation de textes qui allaient dans des sens divers, avec des clauses de la nation la plus favorisée, et qui aboutissaient, si vous voulez, à ne pas, franchement, ne pas savoir quel était le régime applicable. Parce qu'à l'époque, tout n'était pas non plus publié, divulgué, communiqué, comme vous savez aujourd'hui. Donc si ça se trouve, pas mal de personnes ignoraient l'existence de ces conventions, même les cours et tribunaux les ignoraient. Donc on pouvait les trouver dans les journaux officiels, mais elles ne faisaient pas l'objet d'une publicité ou de débats considérables. Fort de tout cela, la Belgique s'est engagée dans le processus d'être un petit peu un chevalier blanc, de construire une convention internationale qui soit un peu le reflet de ses valeurs sur le plan culturel et juridique, et c'est en cela qu'elle s'est donc fortement engagée dans la rédaction de la convention nouvelle. Alors, cette convention, comment pouvait-on la construire? Elle pouvait être construite, et j'en terminerai là, elle pouvait être construite de deux façons différentes. Soit on faisait de cette convention la Bible, dans le sens où cette convention devenait un véritable droit obligatoire, directement applicable, donc qui s'impose à chaque État. Soit on fusionne les systèmes au niveau international, on essaye de trouver un système unifié, unique. Comme on a au fond en droit communautaire, en droit européen, vous avez ce qu'on appelle les règlements. Ça, ce sont des textes qui sont directement applicables, c'est du droit unifié, c'est du droit qui se superpose au droit national, mais qui s'applique. Les règlements en droit européen sont des textes de la liste saint-pierre, des textes culturels, les règlements sont des textes du droit, c'est comme du droit national. Simplement, ça vient de l'Union européenne, mais ça s'applique à l'image d'un droit national, c'est directement applicable, c'est obligatoire. Donc, est-ce qu'on peut aboutir à ça? Est-ce qu'on peut réussir à faire une convention et à unifier un peu les territoires qui soient obligatoires dans toutes ces dispositions et qui permettent du coup aux œuvres de circuler sous un régime unique et unifié? Non. On ne peut pas y aboutir, certainement pas. Il n'y a pas cette maturité entre à la fois politique, sociologique et culturelle à l'époque. Impossible d'arriver à un tel accord. Et pour cause, on se confronte déjà à ces différences de logique entre le droit de l'auteur et le système du copyright. Où nos amis britanniques nous répondent que c'est pas possible de laisser tomber le système d'un droit qui appartient en définitive à l'industrie, et où les représentants des délégués françaises, belges, même italiennes, font valoir qu'un droit d'auteur ne peut appartenir qu'au créateur, qu'à l'auteur qui est à l'origine de l'œuvre. Donc impossible de se mettre philosophiquement d'accord sur un modèle juridique. Ce qui a eu pour effet d'essayer de trouver le plus petit dénominateur commun, mais qui soit suffisamment efficace. Et ce plus petit dénominateur commun qui soit efficace, on l'a construit à travers deux noyaux dans la Convention de Berne. Un premier noyau qui est le traitement binational, et je reviendrai là-dessus la prochaine fois, et ce qu'on va appeler un minimum conventionnel. On va donc créer une union très donner à enquête ouverte qui va permettre, qui permet aux États qui ne souhaitent plus rester dans l'Union de la quitter ou d'accueillir d'autres États qui souhaitent y rentrer dans cette Union pour autant qu'il y ait une adhésion à ces deux noyaux que sont le traitement national et le minimum conventionnel. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions avant de vous laisser aller. Pour les étudiants qui suivent mon autre cours de droit européen des médias, c'est dans un autre local, et c'est là, c'est pour un tout petit jour. Eh bien, bon week-end. Merci. Merci.